C'est mon frangin. Attends, j'enlève ça là, putain. C'est le frangin. Un jour, j'ai parlé de toi et à chaque fois, il me fait penser. Il chante sa chanson. Il me dit comment il va, Titi. Tu l'as écouté, l'album de Renaud? One, two, three. 3, 4, 1, 2, 3. 145, le morceau long. La batterie, j'ai plus EZ drummer. J'ai perdu. J'ai perdu les accords. Serait ronde où je rêvais d'un autre monde où la lune serait blonde. Où la vie serait féconde. Oh, eh, oh, oh, oh. Yeah, oh, yeah, oh, oh, oh. Va chanter les gens, t'sais. Allez. Yeah, oh, yeah, oh, oh, oh. Allez, Titi, tu chantes. Yeah, oh, yeah, oh, oh, oh. Yeah, oh, yeah, oh, oh, oh. Yeah, oh, yeah, oh, oh, oh. Yeah, oh, yeah, oh, oh, notre terre, une terre moins terre à terre, je voulais tout foutre en l'air, tout foutre en l'air. Yo, oh, yo, oh, oh, oh. Yeah, yeah, oh, oh, oh. Et toi, Titi, est-ce que tu rêves d'un autre monde? Une autre terre, avec un monde sans violence, sans attentats, sans tous ces morts pour rien, toutes ces guerres pour un dieu qui n'existe peut-être même pas. Je rêvais d'un autre monde, un monde avec le bonheur dans les yeux, un monde où je peux me promener tranquille sans avoir peur dans la rue. Tous ces enfants innocents qui sont morts à cause de la connerie humaine. Et tous ces gens qui s'enfuient de leur pays pour trouver là-bas un paradis. Mais on les reconduit dans un monde bien pourri. Et on leur dit: messieurs, dames, c'est fini. Réveillez-vous. Téléphone, bien fait ce joli morceau. Mais rien n'a changé sur cette foutue planète. Aujourd'hui, peut-être, téléphone va chanter un nouveau morceau. Quand d'humains ne veulent rien comprendre. Yeah, oh, oh, oh, oh, oh. Yeah, oh, oh, oh, oh, oh, gosse à téléphone. Parce que moi j'aime pas comment il s'appelle, hein, mais pour moi il s'appelle encore téléphone. Nouveau groupe là. Dédicace à Corinne.